quand tes problèmes des fois tu l'oublies. Et t'as tout qu'à le penser quand te voit la croix. Quand tu viens quand tu restes pas mûri. Il te reste à manquer les embrouilles. Ton corps est mis des temps. Et t'as mal de coups quand t'es mandouille. Ton corps est mis des temps. Un sardeur et c'est confiné à part de toi. On fait la photo pour pas qu'il la détoie. Elle te câline quand tu dors. Elle manque pas toi, elle te dit rabuse-toi. Elle a fait toi, elle a fait toi. Elle a fait toi. Elle reste de toi. Tu vois pas, elle est folle de toi.